بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات، حياكم الله. Nous allons continuer, incha'Allah ta'ala, notre série de cours intitulée « Sur le chemin de la hijra ». Et dans le dernier cours, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons parlé des causes religieuses pour faire la hijra, telles que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah, la sincérité, avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'autres causes. Et nous avons mentionné que ces causes-là, ikhwani fillah, sont les plus importantes pour faire la hijra. Et ceci, ikhwani fillah, est un point très important. Et j'insiste dessus, car celui qui privilégiera ses causes, la hijra lui sera facilitée, incha'Allah. Et il y a un point sur lequel il convient de méditer. En règle générale, en terre de mécréance, les gens ont un certain train de vie. La plupart des gens ont une voiture et sont bien équipés. Et donc, si ceux qui veulent faire la hijra viendraient à vendre leurs biens, tels que leurs voitures, leurs meubles et tout ce qu'ils possèdent en terre de mécréance, ils auraient déjà un certain capital qui leur permettra d'émigrer. Ajoutons à cela qu'en règle générale, les personnes vivant dans ces pays-là ont souvent un capital économisé. Si on rajoute cet argent à celui des biens vendus, en règle générale, ceci est largement suffisant pour faire la hijra. Mais malgré ces facilités financières, beaucoup de ces personnes n'ont pas fait la hijra. Et la cause à cela, ikhwani fillah, c'est qu'ils n'ont pas privilégié les causes religieuses. Et c'est en partie l'erreur que la majorité des gens commettent. Ils se focalisent sur les causes matérielles, en pensant que ce sont ces causes-là qui vont leur permettre de faire le premier pas. Puis le temps passe, la motivation baisse, et pour beaucoup, à la fin, on délaisse la hijra. Alors que celui qui privilégie les causes religieuses, il n'aura pas ce problème-là, incha'Allah. Car ces causes-là vont lui permettre, par la volonté d'Allah, de partir et de faire ce premier pas qui l'aidera. Beaucoup de gens, par la grâce d'Allah, ont étudié les trois fondements et connaissent le jugement de la hijra et la dangerosité de résider en terre de mécréance, que ce soit d'un point de vue religieux, du comportement et même d'un point de vue physique. Car certaines de nos sœurs, qu'Allah les protège, ont été la cible d'agressions. Beaucoup de musulmans ont conscience de cela. On voit de plus en plus de rappels sur la hijra. Et malgré tout cela, alors que les choses sont claires, beaucoup d'entre nous restent en terre de mécréance. Pourquoi, selon vous? Il faut se poser les bonnes questions. Il faut qu'on soit sincère envers nous-mêmes. Il ne faut pas se cacher derrière des fausses excuses. Beaucoup parleront de l'aspect financier. Subhanallah, si ce n'était qu'une question financière, les gens seraient partis depuis. Ils seraient déjà partis depuis. Car en France, la majorité des musulmans ne sont pas pauvres. Par exemple, on trouve une majorité qui peut se permettre de partir en vacances. Quand vient l'été, que font les musulmans vivant en terre de mécréance en règle générale? La réponse est qu'ils partent en vacances. Combien dépensent-ils lors de ces vacances? Des fois, cela peut atteindre des sommes importantes. Car le but de ces vacances, comme ils le disent, est de profiter et de se faire plaisir. Nous ne nous mentons pas à nous-mêmes, ikhwani fillah. Et soyons du nombre des sadiqin, du nombre des véridiques. L'argent n'est pas forcément un problème pour la hijra. Et c'est là que nous voyons l'importance des causes religieuses, étudiées dans le cours dernier. Le plus gros travail se trouve dans ces causes. Et je peux même dire que ces causes sont l'essentiel de la hijra. Et nous allons donc dans ce cours, bi'ithnillah, mentionner d'autres causes qui aideront aussi la personne à faire la hijra, mais ces causes ne lui seront profitables que lorsqu'il aura fait les causes religieuses. La première de ces causes est être dans le juste milieu. Car le juste milieu est une caractéristique méritoire. Et ceci dans toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Et concernant la hijra, il est très important d'être dans le juste milieu. Car certains exagèrent. Parmi les exemples d'exagération dans ce sujet, nous pouvons mentionner les exigences démesurées qu'ont certains envers le pays où ils veulent émigrer. Ils diront que lorsque tu fais la hijra, il faut obligatoirement aller dans un pays où il y a des ulama. Il faut obligatoirement aller dans un pays où il y a des savants pour pouvoir étudier à leur côté. Pourtant, il a grandi en France. Et ce n'est pas connu qu'en France, il y a des savants. Ils diront que lorsque tu fais la hijra, il faut être propriétaire. Et donc avoir sa maison en pays musulman avant de partir. Alors que cette personne a toujours vécu en tant que locataire en France. Ils diront aussi qu'il faut avoir sa propre entreprise et donc être son propre patron lorsque tu fais la hijra. Pourtant, il a toujours travaillé en tant qu'employé en terre de mécréance. Aussi, il faut forcément que là où tu feras la hijra, il y ait des écoles de la sunna pour que les enfants puissent étudier les sciences, alors qu'en France, ces enfants sont à l'école publique. Et donc, selon eux, si ces conditions ne sont pas réunies, ou bien la plupart de ces conditions, on ne peut pas faire la hijra. Et ceci fait partie de l'exagération. Tout comme ceux qui pensent que pour faire la hijra, il faut des sommes exorbitantes. Et certains vont te donner une somme bien précise. Ils vont te dire pour faire la hijra, obligatoirement, il faut que tu aies 10 000 euros de côté, par exemple. Et ceci n'est pas le juste milieu. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire la hijra. Et non pas d'émettre des conditions pour faire cette immense adoration. Et aussi, il est certes impossible de déterminer une somme précise avec laquelle partir. Car les gens sont différents. Certains ont des grandes familles et vont émigrer dans des pays où la vie est coûteuse, tandis que d'autres vont émigrer dans des pays où la vie est moins coûteuse. Et donc la personne doit faire preuve de juste milieu dans cette affaire. La deuxième cause est la bonne compagnie. Il est impératif pour celui qui veut faire la hijra de s'entourer de bonnes personnes qui vont l'aider dans cette grande adoration et qui vont le motiver. Des personnes qui veulent eux aussi faire la hijra et qui sont motivées. Ou si ce n'est pas le cas, au moins qu'ils ne vous découragent pas dans votre objectif. Car combien de frères et sœurs étaient motivés pour faire la hijra et faisaient les causes pour l'accomplir? Mais à cause de leur fréquentation, ils ont délaissé la hijra. Et au contraire, combien de frères qui à la base ne voulaient pas forcément faire la hijra ont fini par l'accomplir, car ils ont côtoyé des frères qui ont fait la hijra ou des frères motivés pour l'accomplir. Donc tant que la personne reste en terre de mécréance, il doit absolument être entouré de bonnes personnes. La troisième cause, écouter des rappels sur la hijra. Ceci a son importance, car en règle générale, la hijra est un sujet qui est très peu mentionné. Et parfois, en terre de mécréance, on finit par être appâté par nos occupations. Ce qui fait qu'on oublie la hijra. Puis le temps passe. Les enfants grandissent, les problèmes s'accumulent et notre situation n'a pas changé. D'où l'importance d'écouter des rappels sur ce sujet. La quatrième cause, profiter de sa motivation pour faire la hijra. Ce point, ikhwani fillah, il est très important. Beaucoup de personnes, par la grâce d'Allah, sont très motivées pour faire la hijra. Mais plus le temps passe et plus cette motivation diminue. Parfois, elle diminue à un point où la personne ne veut même plus faire la hijra. Et ceci est une chose très fréquente. Plus jeunes, certains de nos aînés parlaient sans cesse de la hijra. Pourtant, à cette époque, beaucoup d'entre nous ne savaient même pas en quoi elle consistait. Alhamdoulilah, elles étaient très motivées. Ils appelaient même certains débutants à la faire. Et ceci est une bonne chose. Mais ces frères, qu'Allah les facilite, ne sont pas partis. Et ont fini par délaisser la hijra totalement. Ce n'est même plus dans leur projet. Qu'Allah nous facilite. Ne pensez pas que votre motivation va rester intacte tout le temps. À un moment donné, elle va baisser. Et il nous suffit comme preuve de donner un exemple qui va parler à beaucoup de monde. Le converti à l'islam, en règle générale, dans ses débuts, il est très motivé. Il veut tout faire, tout apprendre. Souvent, tellement il est motivé, il apprend à lire et écrire très vite. Il fait beaucoup de cours, mais souvent cela dure 6 mois environ. Après cette période, il fait preuve de moins de motivation, jusqu'à ce que parfois il délaisse l'apprentissage. Et c'est exactement la même chose pour la hijra, et ceci est une réalité. Aussi, il est bon de rajouter qu'en retardant la hijra, tu n'es pas à l'abri que la situation change. Et nous avons un très bon exemple dans ce qui s'est passé avec le Covid-19. Qui aurait cru que les musulmans de France auraient pu être bloqués des mois entiers sans pouvoir rejoindre leur pays d'origine? Profitons de notre motivation pour faire cette adoration. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilitera. La cinquième cause, rester discret. Lorsque tu fais les causes pour la hijra, tu n'es pas obligé d'informer toute la ville, mais plutôt, fais preuve de discrétion. Car le fait que tu propages beaucoup cette information, cela peut susciter beaucoup de jalousie. Certaines personnes, qu'Allah leur accorde la réussite, sont frustrées de ne pas avoir pu faire la hijra. Ils vont donc souvent soit te jalouser ou bien essayer de te dissuader. Car malheureusement, ceux qui dissuadent de faire la hijra sont nombreux. La sixième cause, se marier avec quelqu'un qui veut faire la hijra ou bien qui l'a déjà fait. Et ce sujet est très important. La sœur qui veut se marier et qui veut faire la hijra doit privilégier un frère qui veut aussi faire la hijra et vice-versa. Combien de sœurs, ikhwani fillah, sont maintenant bloquées en terre de mécréance car leur mari ne veut pas faire la hijra? Il est impératif que les sœurs se marient avec des frères qui sont dans l'optique de faire la hijra, ou bien des frères qui ont déjà fait la hijra. Mais malheureusement, certaines de nos sœurs, qu'Allah les facilite, ne veulent pas ce genre de frère. Ils ne veulent pas d'un frère, souvent, qui va faire la hijra, ou bien qui a déjà fait la hijra. Car ils vont te dire la phrase suivante. Ils vont te dire, moi, si je me marie avec quelqu'un, il faut que je vive avec lui 1 an, voire 2, avant de faire la hijra, pour voir si on est compatible ou pas. Et il n'y a pas de doute que ces sœurs-là, qu'Allah les facilite et leur accorde la réussite, n'ont pas compris le sens de la hijra. Et que le musulman doit mettre sa religion en sécurité. La septième et dernière cause, être sincère avec soi-même et ne pas se trouver des fausses excuses. Car on a tendance à beaucoup se trouver des excuses concernant la hijra. Il faut faire preuve de véracité. Et il faut se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement nos situations. Et que ces excuses, si elles ne sont pas légiférées, ce ne sera que regret le jour du jugement. Il faut avoir conscience qu'en terre de mécréance, notre religion est constamment en danger. Si le musulman a parfaitement connaissance de cela et qu'il fait passer sa religion avant toute chose, il partira sans hésiter, sans chercher des subterfuges, ou se dire que j'ai besoin de telle ou telle chose. Est-ce que si tu es dans une maison qui prend feu, tu vas chercher à emporter toutes tes affaires? Ou bien comme ta vie est en danger, tu vas chercher à prendre vraiment ce que tu as le plus besoin, comme tes papiers d'identité par exemple. C'est pareil pour la hijra. Si tu sais, ya Abdallah, que ta religion est en danger, que la hijra est obligatoire, alors tu prendras ce que tu as besoin en terre de mécréance pour te permettre d'émigrer. Et tu feras la hijra sans même hésiter. Et dans le cas où tu fais partie de ceux qui ne sont pas en capacité de faire la hijra, alors tu chercheras une solution. Car ce n'est pas parce que tu n'as pas la capacité de faire la hijra actuellement que tu dois délaisser les causes. Certains, qu'Allah les facilite, n'ont pas la capacité de faire la hijra. Et ils se disent, comme je suis excusé, alors je vis en terre de mécréance sans faire les causes. Et ceci est une mauvaise compréhension. Si une femme, par exemple, est seule, sans ressources, et qu'elle ne peut pas faire la hijra, qu'elle cherche à se marier avec un frère voulant faire la hijra, ou bien qu'elle cherche à avoir une rentrée d'argent pour lui permettre d'émigrer, pareil pour le frère qui est dans l'incapacité de faire la hijra. Il faut qu'il fasse les causes lui permettant d'émigrer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à tous la hijra.